بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وعلى صحابته وعلى من والاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلا وأهلها في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن أحوالها وأحوال أهلها، ربنا آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، من الموحدين والموحدات، إنني أسأل الله الذي لا إله إلا هو، الذي جمعنا في هذه الليلة وفي هذا المسجد، أن يجمعنا عنده في جنات ونهر، ونسأله أن يجمعنا على حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى نشرب منه شربة هنيئة مريئة فلا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. واللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تطمع ولا تشمت فينا الأعداء أو الحاسدين. ونسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منازل. أحبتي في الله، عود على سبق، بحيث أننا شرعنا في الأمسية الماضية في الحديث حول هذا الباب العظيم، وهو باب التوكل على الله عز وجل، وإن شئت قل باب التوحيد، وإن شئت قل باب الصبر، وإن شئت فقل عن التوكل على الله عز وجل هو الإسلام وهو التوحيد. On va revenir inshallah ta'ala sur ce qu'on a commencé hier. Et on vous a parlé avec un résumé ce que ça veut dire at-tawakkul, le fait de placer ta confiance en Allah Azza wa Jal. At-tawakkul, cher serviteur d'Allah, at-tawakkul, cher serviteur d'Allah, vous pouvez dire sur at-tawakkul, c'est l'endurance. C'est At-Tawhid. Clairement, c'est l'islam, qui est la soumission à Allah Azza wa Jal. Et j'ai placé ma confiance à celui qui nous a créés, à celui qui a tout cet univers. C'est Allah Azza wa Jal qui détient tout ça. C'est la propriété d'Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui gère tout ça. Et c'est pour ça que je suis dans l'obligation, parce que je me suis soumis à Allah Azza wa Jal. J'ai attesté cette grande attestation de foi, la ilaha illallah, la soumission totale à Allah Azza wa Jal. Donc je suis dans l'obligation de placer ma confiance en Allah Azza wa Jal. Et dans tous les cas, quel que soit le résultat, si tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal, sache très bien que tu seras parmi les personnes qui vont gagner. Il faiz, c'est qui? Man hum al faizun? Wa man hum al khasirun? Al khasir hum alladhina yakhsiruna ahlihim yawm al qiyamah. Les perdants, en réalité, c'est les personnes qui vont perdre leur propre âme et leurs proches le jour de jugement. Peut-être leurs proches, ils sont dans les plus hauts du paradis, Et eux, on est en train de les châtier dans l'enfer qu'Allah nous préserve. Et les vrais gagnants, c'est les personnes qui se sont soumises à Allah Azza wa Jal, quelle que soit cette soumission, comme on va voir ce soir avec ce récit, cette histoire. On va essayer de vous rapporter quelques commentaires seulement pour laisser le temps à notre frère, Inch'Allah Ta'ala Kamal, après, pour qu'il puisse entamer son sujet. Mais Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de vous faire un petit résumé. Qissat الراهب والساحر والغلام تجدونها في صحيح مسلم وشرحها جم كبير وجمع كبير من العلماء ومن الذين شرحوا هذه القصة شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هو الذي شرحها في صحيح مسلم وهو الذي شرحها كذلك في رياض الصالحين وعلق عليها وشرح وعليها تعليقات نافعة فطالب العلم يلتزم بهذه الشروحات المنتقات من عند علماء كبار كإمام الزمان العثيمين رحمة الله علينا وعليه Le récit du sorcier du moine est du jeune garçon, un adolescent. Une histoire que le prophète alayhi salatu wa salam nous a racontée. Vous pouvez la trouver dans l'authentique de l'imam Muslim, ainsi que l'imam al-Nawawi, il l'a rapporté dans Riyad al-Salihin, le livre connu. Et cette histoire, elle a été expliquée par plusieurs savants dans toutes les époques. Et parmi eux, notre imam et notre cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayna wa alayh, il a expliqué dans l'authentique quand il a expliqué Sahih Muslim, et aussi il a expliqué dans ce livre qui est Riyad al-Salihin. Et je recommande fortement l'explication de cheikh al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala sur ce livre ainsi que d'autres savants bien sûr. قال عن عبد الله بن أبي ليلة عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك يعني الساحر قال للملك إني كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. Le prophète alayhi salatu wassalam, d'après Suhaib radiallahu ta'ala anhu wa ardah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, parmi vos prédécesseurs vécut un roi. Le prophète alayhi salatu wassalam avait comme habitude de raconter des histoires aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam pour tirer des exemples des nations qui nous ont précédés. Et comme vous le savez, on n'est pas la seule nation qui ont cru en Allah Azza wa Jal, ils ont eu la foi. Non. Il y avait des nations qui nous ont précédés. Il y avait Adam, les enfants de Adam alayhi salam, et d'autres aussi nations comme le peuple de Nuh alayhi salam. Parmi eux, des croyants qui l'ont suivi. Certes, peu de monde les ont suivis, Nuh alayhi salam. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Et puis vous avez la nation qu'ils ont suivi, Ibrahim alayhi salam, et aussi la grande nation aussi, parmi les grandes nations qui nous ont précédés, les croyants qu'ils ont suivis, Moussa alayhi salam, Bani Israël. Et puis les suiveurs de Isa, tout ça c'est des croyants. On va se retrouver dans le même paradis qu'eux. C'est des croyants. Et l'islam, comme vous le savez, l'islam, il n'est pas venu que à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Car l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal. Donc je me suis soumis. Quand tu vas te soumettre à Allah Azza wa Jal, t'es un musulman. Moussa alayhi salam, c'est un musulman. Ibrahim alayhi salam, c'est un musulman. Isa alayhi salam, c'est un musulman. Nuh alayhi salam, c'est un musulman. Tous les messagers et les prophètes d'Allah et leurs suiveurs, c'est des musulmans. Qui veut dire, ils se sont soumis à Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wa salam nous raconte cette histoire qui parle de cette nation et des croyants connus. Et cette histoire, vous la connaissez. Certainement, vous avez lu cette sourate qui parle des croyants que on les a jetés dans le fossé. Où les fossés? Ashab al-Ukhdud. Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi-ayyi dhanbin qutilat. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هذه هي الصورة التي تتحدث عن هؤلاء القوم المؤمنين dans les nations qui nous ont précédés vu qu'il y a un roi et ce roi il avait un sorcier généralement connu même dans cette époque les rois même les gouverneurs ils reviennent souvent qu'Allah nous préserve aux sorciers. Parce que pour eux, les sorciers, c'est un pouvoir. Et pour les croyants, le pouvoir, celui qui le détient, c'est Allah Azza wa Jal. Ce sorcier est devenu vieux. Donc il voit sa mort proche. Il dit au roi, « Je suis devenu vieux et mon terme est proche. » Envoie-moi un garçon à qui je puisse enseigner la sorcellerie. Un garçon, un jeune homme, un adolescent. Il a choisi une personne telle. Pourquoi? قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى واختار الغلام لأن الغلام أقبل للتعليم ولأن التعليم للغلام الشاب هو الذي يبقى ولا ينسى. ولهذا كان التعلم في الصغر خيرا بكثير من التعلم في الكبر وفي كل الخير على كل حال لكن التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر. Et ce Cheikh Al-Uthaymin va faire un commentaire sur ce récit en disant pourquoi il a choisi un garçon, un jeune homme, un adolescent. Parce que c'est connu un garçon il peut apprendre rapidement. Il peut apprendre rapidement par rapport à une personne. Entre guillemets, il se noie dans ce bas monde avec des problèmes. Celui-ci, surtout s'il est marié. Il est adulte avec les problèmes, les épreuves. Mais un enfant, non, il est protégé. C'est pour ça le fait d'enseigner les enfants et généralement tous les savants de l'islam ils ont appris le Coran al-Karim avant l'âge de 11 ans. Même il y a des savants, ils ont appris le Coran al-Karim à l'âge de 6 ans. Et c'est pour ça que c'est recommandé d'apprendre aux enfants tout ce que tu peux donner à un enfant, il peut apprendre. Il peut apprendre par cœur. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, son cerveau, il est vide par rapport à un adulte. Et il va accepter plus qu'un adulte. Et dans tous les cas, le fait de demander la science soit par un jeune homme ou une personne âgée, dans tous les cas, c'est un bien. Dans tous les cas, c'est un bien, c'est jamais trop tard pour ne pas y aller loin. Donc, il y a plusieurs savants dans l'islam, ils ont commencé à étudier la religion de l'islam âgée et très âgée. Parmi les grands muhaddithines de l'islam, ils ont appris Al-Hadith, ils sont devenus des grands savants. Ils ont commencé à apprendre à l'âge de 70 ans. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, on a dit qu'il a commencé à s'intéresser à Al-Hadith après l'âge de 40 ans. Ça, c'est Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc, ce n'est jamais trop tard. Le plus important, c'est quoi? La sincérité, bien sûr. Et le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Le fait d'apprendre à un jeune homme, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, il y a dans ça deux bienfaits. الفائدة الأولى أن الشاب في الغالب أسرع حفظا من الكبير، لأن الشاب فارغ البال ليس عنده مشاكل تجيبه توجب انشغاله. Premièrement, il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, un jeune homme, il peut apprendre facilement et rapidement. Il accepte. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de soucis à côté d'une personne qui est adulte ou âgée. وثانياً أن ما يحفظه الشاب يبقى وما يحفظه الكبير ينسى. ولهذا كان من الحكمة الشائعة بين الناس إن العلم في الصغر كالنقش في الحجر لا يزول. Parmi les bienfaits aussi, le deuxième bienfait, il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, le fait d'apprendre un jeune homme, tout ce que tu apprends quand tu es un jeune, un garçon, sache très bien qu'il va rester. Et ça par expérience. On a eu l'expérience avec des frères qu'on a connus dans le passé. Ils ont appris avec nous le Coran Karim. À un moment donné, ils ont été égarés. Ça veut dire, ils étaient loin de la religion pendant des années. Et puis Allah Azza wa Jalla les a guidés. Il les a orientés, ils sont revenus à la raison. Et bien tout ce qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas oublié. Et ça c'est par expérience. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, aussi qu'est-ce qu'il fait ? Il va appuyer ça. Pourquoi ? Vous savez, des fois il y a des gens, des adultes, eux ils voient que la tâche elle est compliquée pour eux. C'est pour ça qu'ils ne vont pas avancer leurs enfants. Et ça c'est un piège de la part de Shaytan. Soit toi si tu es incapable, ça ne veut pas dire que ton enfant il est incapable. Dans lui, tu vas voir le résultat à la fin de l'année. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à donner à vos enfants à apprendre le Coran par cœur, al-mutun par cœur, les hadith par cœur, et vous allez voir. À notre génération, les générations qui nous ont précédés en Algérie, on apprenait le Coran, le Karim par cœur, et Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, par cœur. Et par Allah Azza wa Jal, des enfants de 12 à 13 ans, ils avaient le Coran par cœur et aussi Sahih al-Muslim et Sahih al-Bukhari en même temps. Pourquoi ? Parce qu'ils ont suivi un programme. Revenons à notre sujet, même si on n'est pas sorti en réalité de notre sujet. Le roi, il lui trouve une personne, un jeune homme. Un jeune homme pour étudier la sorcellerie. Mais grâce à Allah Azza wa Jal, sur le chemin, Allah Azza wa Jal a fait une très grande cause. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِ أَهْلِهِ هَذَا الْغُلَامِ وَفِي الطَّرِيقِ كَانَ يَجِدُ رَاهِبًا مِنَ الرُّهْبَانِ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْعِلْمِ وَالصُّلْحُ وَالصَّلَاحِ وَالتَّقْوَى وَالْخِشْيَةِ فاستحسن مقالاته واستحسن كذلك هذه الجلسات فأصبح لما يخرج من بيته يجلس مع هذا الراهب ويتعلم منه ثم يذهب إلى الساحر ويتعلم فإذا خرج من ذهب من عند الراهب يصل متأخرا عند هذا الساحر فيضربه لأنه جاء متأخرا فاشتكى إلى الراهب فقال له الراهب إذا ذهبت إليه قل له أن السبب هم أهلي أخروني وإذا خرجت من عند هذا الساحر فقل لأهلك إن الساحر أخرني. Ce jeune homme, Allah Azza wa Jal lui a fait une très grande cause bénéfique pour lui. Et ce n'était pas que pour lui seulement. Pour plusieurs personnes. Des centaines de personnes, ils ont cru grâce à cette grande cause. Sur son chemin, en allant vers le sorcier pour apprendre la sorcellerie, sur le chemin, il y avait un moine assis dans des assises comme telles. Il apprenait aux gens la foi, la piété, la crainte d'Allah. Il a aimé ce qu'il a écouté de sa part. Donc au lieu d'aller vers le sorcier, il s'assoit avec lui. Il écoute. Et puis il va chez le sorcier, mais en retard. Le sorcier, qu'est-ce qu'il fait ? Il le frappe. Avec dureté. Tellement il le frappait avec dureté, il s'est plaint à ce moine. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux lui dire comme excuse? Il lui a dit, quand tu sors de chez moi et tu arrives en retard, tu lui dis que ma famille m'a retardé. Et aussi, tu dis à ta famille quand tu arrives en retard, le sorcier, il m'a retardé. Donc, c'est ça ce qu'il lui a dit. Et si vous êtes en train de remarquer, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans ce commentaire, vous allez remarquer que c'est un mensonge ici. Et dans l'islam, on n'a pas le droit de mentir. Le péché, le fait de mentir, c'est un grand péché. Est-ce que ici, par maslaha, par intérêt, j'ai le droit de mentir? Il n'y a pas une fatwa générale, c'est cas par cas. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se retrouve dans une situation, qu'est-ce qu'on devrait faire? Revenir au savant et demander au savant pour avoir une fatwa selon ta situation. Mais nous, dans aucun cas, on a le droit de mentir. Les anna, الكذب حرام وصاحبه ملعون على لعنة الله على الكاذبين قال الله تعالى. Pourquoi? Parce que la personne qui ment, c'est une personne qui est maudite par Allah Azza wa Jal. Donc, le moment où dans une situation, est-ce que j'ai le droit par intérêt de mentir? Revenons au savant, inshaAllah تعالى. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. حقيقة هذا الحديث أيها الناس إذا أردنا أن نعلق عليه ونأتي بشروحات العلماء سوف نجلس جلسات عدة، ولذلك نحن نلخص لكم الكلام بحول الله تعالى لمعرفة هذه القصة ونستنقي منها كذلك بعض الفوائد بحول الله تعالى. يحصل للمؤمن في بعض الأحيان شك، وإذا دخل على المسلم الشك كما بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام دواؤه كلمات فقط، آمنت بالله، كلمات فقط، كلمتين تقول آمنت بالله، تنزع من قلبك هذا الشك بإذن الله تعالى. هذا الذي حصل إلى هذا الغلام، لأنه يرى راهب يعلم بما قاله الله عز وجل بما جاء في زمنه من سواء في التوراة أو الإنجيل أو غير ذلك، وأمامه كذلك ساحر، والساحر في أعين الضعفاء يفعل معجزات. فبينما مرة كان يمشي مر على قوم حبستهم دابة، والحديث لم يذكر هذه الدابة ما هي، أسد، نمر، الله أعلم. الحاصل هذه الدابة حبست الناس على المرور، فقال الآن سوف أختبر هل الراهب معه حق أو الساحر معه حق. فأخذ عصا، فأخذ حجرا فقال اللهم، التجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل، لأن الالتجاء والدعاء لا يكون إلا من عند المتوكلين على الله. إن كان أمر الراهب حق فادفع هذا الشر على الناس، وإذا كان أمر الساحر حق فاللهم اهدني إليه. فماذا فعل؟ أو قال فإذا كان الأمر خير، يعني أمر الراهب خير، فاقتل هذه الدابة، فرماها فقتلها الله عز وجل بإذن الله تعالى. تخيل الآن الدعاء، وما أدراك ما الدعاء، الذي يستصغر شأنه كثير من الناس في هذا الزمن عياذا بالله. يعني يأخذ حجر صغير ويرمي به، ليس رصاصة وليس دبابة وليس طائرة وليس صاروخ، لا، إنما حجر يقول بسم الله فقط، اللهم اقتله، فقتله الله عز وجل. هذه العقيدة، فعض عليها بالنواجذ، هذه العقيدة، فقتله الله عز وجل، فاستقر الإيمان في قلب هذا الصبي. فحدث الراهب بما فعل، فقال الآن وصلت ما وصل بك ما وصل من الأمر، حتى أنه قال له وشهد شهادة حق، أصبحت خيرا مني، يعني مستجاب الدعوة. وهذا الرجل وهذا الغلام كان مستجابا للدعوة. Donc ici, un jour, il vit sur son chemin une énorme bête qui empêchait les gens de passer. Il dit, je saurai aujourd'hui qui du moine ou du sorcier est le plus aimé d'Allah. Il se saisit d'une pierre. Regardez, d'une pierre, il dit, « Oh Allah, si l'enseignement du moine t'est préférable à celui du sorcier, alors fais que cette bête meure, laissant la voie libre aux gens. » Donc il voit sur son chemin une bête. Le hadith n'a pas dit, il n'a pas dit c'est quoi ça. Il n'a pas dit, est-ce que c'est un lion, un tigre, Allahu a'lam. Mais l'essentiel, c'était une bête dangereuse. Vous savez, à un moment donné, tout croyant, il peut avoir des doutes. Et le prophète, il t'a donné le remède. Si tu as des doutes, chèque, tu dis deux paroles, deux mots. Dans une parole, Amantu billah, j'ai cru en Allah, ça te suffit. Le jour où tu dis Amantu billah, tu as purifié ton cœur de tout doute, bi'idhillahi ta'ala. C'est qui t'a dit? Pas moi et vous, pas un savant, c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui parle au nom de la révélation. Ça veut dire, moi je dis amen tu billah, aucun doute dans mon cœur, ça avec certitude. Pourquoi? Parce que c'est la révélation. À un moment donné, ce jeune homme, adolescent, ce garçon, il a demandé à Allah Azza wa Jal, il a cherché protection chez Allah Azza wa Jal, il a placé sa confiance en Allah Azza wa Jal, en prenant quoi? Un caillou seulement, pas un rocher, un caillou. Il n'a pas pris une arme, il n'a pas pris tel ou tel, non. Il a placé sa confiance en Allah Azza wa Jal. Il a dit, oh Allah Azza wa Jal, si l'enseignement du moine t'est préférable, tue cette bête. Il l'a fait comme ça, au nom d'Allah, bismillah, il l'a jeté, elle est morte, subhanallah. La foi, quand elle va stagner, elle va stabiliser dans ton cœur, ça y est. Et c'est pour ça que les ulama disent que la foi, elle a des effets. Et en réalité, ce jeune homme, il est devenu parmi les pieux et les croyants que leurs doigts, ils sont exaucés. Et c'est ça ce qui s'est passé. En arrivant vers le moine, il lui raconte ce qui s'est passé. Et le moine, il va témoigner. Il va lui dire que tu as atteint un degré, t'es devenu meilleur que moi. Et là, il lui a dit une chose très importante, cher serviteur d'Allah Azza wa Jal, pour moi et vous. Tu seras éprouvé, tu parles jamais de moi. Tu seras éprouvé. Et ça, c'est très important ce qu'on est en train de dire maintenant. Une personne, quand il va atteindre un degré de foi, comme vous maintenant. Sachez très bien qu'on sera éprouvé. Les meilleurs des hommes, comme Mohammed alayhi salatu wa salam, il a été éprouvé le jour où on a révélé sur lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Waraqa ibn Nawfal? قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وفي رواية إلا أوذي. قال يعني قومك سوف يخرجوك من مكة. قال أو مخرجيهم؟ أي نعم يا رسول الله. يخرجك قومك من القرية أو من البلدة التي تحبها، وكانت مكة أحب البقاع إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال بقولة الحق لا إله إلا الله أوذي وعودي وأخرج من مكة. وهذا مصير جميع المؤمنين. يؤذون في سبيل الله عز وجل. ورقة بن نوفل c'était un croyant. Et les morts en tant que croyants, ce n'était pas un associateur, il s'appuyait sur les livres qui nous ont précédés. Donc il avait les vrais livres, il n'avait pas les livres qui ont été falsifiés. Quand on a révélé sur le prophète, alayhi salatu wassalam, Khadija a ramené Muhammad, alayhi salatu wassalam, radiallahu ta'ala anha, chez son cousin qui s'appelle Waraq ibn Nawfal, c'était un croyant. Il lui raconte ce qui s'est passé. Et il lui a dit, il viendra un jour où ton peuple, ta famille, vont te sortir de Mecca. Le prophète, alayhi salatu wassalam, entre guillemets, c'est comme il est tombé de haut. Il a dit, « Awa mukhriji yahum !» Ils vont me sortir alors que je l'aurai ramené. Al-haq, la vérité, qui est la ilaha illallah. Et de ne pas associer avec Allah, celui qui les a créés, celui qui est en train de les gérer. Je vais leur dire la vérité, ils vont m'expulser, ils vont me sortir. Oui, non seulement ils vont te sortir de chez toi, ils vont te faire du mal. Et c'est vrai, le prophète, alayhi salatu wassalam, on a atteint même sa propre personne. Qu'Allah le maudit Abu Jahl, il a jeté, il a caillassé jusqu'à lui a ouvert sa tête. Il a saigné le prophète. Il était dans un état de prosternation, on a jeté sur lui la saleté de l'impureté. Ça c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Ça veut dire, chers serviteurs d'Allah, les croyants sont éprouvés. Mais leur épreuve, c'est un bien pour eux, surtout après leur mort. Parce que la vraie demeure qui est stable, c'est quoi? C'est le paradis d'Allah, chers serviteurs d'Allah. C'est ça la vraie vie. La vie éternelle, ce bas monde, c'est un passage seulement. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc tout le monde veut mourir. Donc retenez cette leçon. Toute personne incroyante qui suit la vérité et la véracité, donc c'est une personne qui sera éprouvée. Pourquoi? Parce que la vérité, elle n'est pas acceptée par tout le monde. Même de la part de vos propres familles, de nos propres familles. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Bien sûr, tirer des leçons de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Endurer et patienter et prêcher la bonne parole et éviter la dureté. قال وكان الغلام بعد مدة يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله. أي نعم، عقيدة، هذه العقيدة التي يتوجب على جميع المسلمين أن يتعلموها. أنا لست أشفي، الشافي هو الله. الله عز وجل خلق الداء والدواء وكل من عند الله عز وجل. إنما أنا سبب، ماذا أفعل؟ أدعو الله لك. يعني فعله ليس كفعل عيسى عليه السلام، لا. عيسى عليه السلام كان يمسح على عين الأعمى فيبرأ بإذن الله تعالى ويبصر ويداوي الأبرص ويحيي الموتى، هذه معجزات. أما هذا الغلام فكان يدعو الله عز وجل، تأتيه تجلس يعلمك، يدعوك إلى الإيمان، يقول لك طيب إذا أردت أن تشفى بإذن الله تعالى آمن بالله وسوف أدعو الله لك. ودعوة، هذه دعوة الأنبياء والرسل. انظر يوسف عليه السلام لما كان في سجن، جاءه من جاءه من أجل أن يعبر لهما الرؤيا، فقال لهم أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار. انظر إلى الدعوة، لم يبدأ مباشرة بتفسير هذه وتعبير هذه الرؤيا، لا، بدأ بالتوحيد، فدعاهم إلى الله وإلى توحيد الله عز وجل وتوحيد ألوهيته وفي ألوهيته وربوبيته كذلك. أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار خير أم الله الواحد القهار أحسن الله إليك. فهذا الذي حصل. المؤمن إذا أراد أن يدعو الناس فليدعوهم ليس إلى نفسه، لا، لا تعلق الناس بشخصك، إنما علقهم بكتاب الله وسنة رسول الله. أما أنت فإنك بشر كجميع البشر، قد فضلت بأن جلست وعلمت الناس، أما أنت فليس عندك أي قدر لولا الله عز وجل. فعلق الناس بالكتاب والسنة. ويحضرني كذلك قصة ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما جاء له برجل أصيب بمس جن يعني، فرقاه فقال: أخرج كرامة لك؟ قال: لا، تخرج طوعا لله عز وجل. هذه العقيدة، لما تستقر العقيدة في قلوب المؤمنين. Cette personne croyant, ce garçon, il a atteint un degré où son doua, il est devenu, son doua, il est exaucé. Il a commencé à faire quoi ? À guérir les gens grâce à Allah Azza wa Jal. Les malvoyants, les gens qui ont la lèpre, les lépreux et d'autres maladies. Grâce à Allah Azza wa Jal. Un homme de l'entourage du roi, très proche du roi, on lui a rapporté qu'il y a une personne qui guérit les aveugles. Alors lui, il était aveugle. Il est devenu aveugle avec la vieillesse. Il vient vers lui avec des cadeaux. Il lui a dit: si tu me guéris, je te donne tout ça. Il lui a dit: c'est pas moi qui guéris, c'est Allah Azza wa Jal. À son époque, les gens ne connaissaient pas Allah. Le roi Pharaon de cette époque, c'était lui qui disait: je suis votre seigneur. Donc pour lui, pour cette personne, son entourage, son seigneur, c'est ce roi. Il lui dit: moi, qu'est-ce que je fais? Entre, crois en Allah Azza wa Jal et je vais faire dua pour toi. C'était ça ce qu'il faisait, ce jeune homme. Son dua était exaucé. Il n'était pas comme Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, il touchait une personne, il est guéri. C'est un miracle. C'est parmi les merveilles d'Allah Azza wa Jal. Mais cette personne, qu'est-ce qu'il faisait? Ad-du'a. Wallahi, ad-du'a, chers frères et chers sœurs, et par Allah Azza wa Jal, c'est une arme très puissante que vous ne pouvez pas imaginer. On ne peut pas imaginer, nous en tant que croyants. Wallah, si on va s'appuyer sur ad-du'a, tous les soucis de ce bas monde, tous les problèmes qui se trouvent dans ce bas monde, Allah Azza wa Jal va les faire disparaître. Bi-idhnillah, grâce au dua. Mais l'homme, il veut faire quoi? Devancer ses passions, ses avis. Il veut devancer quoi? Ma parole. Non, c'est pas comme ça. Vous, les salafis, restez comme ça. Vous demandez aux gens de faire quoi? De faire dua pour nos frères palestiniens. Hein? Vous avez que ça? Oui, on a que ça. Alhamdulillah, on a que ça. Alhamdulillah, on a que ça. On réagit comme ça. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Comme j'ai dit hier dans le cours, ils ont innové cette grande innovation. Qu'Allah les fait disparaître de cette terre, subhanallah. Vendredi du colère, Jumu'at Ghadab. Ce vendredi qui est sacré pour les musulmans, il est devenu quoi? Il est devenu, à chaque manifestation, les frères musulmans sortaient vendredi de la colère, subhanallah. Alors que le vendredi, c'est un vendredi de fête pour les musulmans. C'est un vendredi qui est sacré pour nous. C'est un vendredi où on doit invoquer Allah Azza wa Jal et prier sur le prophète. Alayhi salatu wa salam, ils ont fait quoi dans cette journée? Vendredi du colère. Jumu'at Ghadab, qu'Allah nous préserve de ces paroles et cet égarement. C'est des égarés égareurs. Qu'Allah les éloigne de nous. Donc, ad-du'a, tous les prophètes d'Allah Azza wa Jal sont exceptions. Et tous les croyants et tous les pieux, vous allez voir leur réussite dans la vie après la croyance, après la foi, après qu'ils vont tester la foi, qui est la ilaha illallah, l'attestation de la foi, ad-du'a. Très important. C'est pas moi qui guéris, c'est Allah. Crois en Allah Azza wa Jal. Et c'est ça ce qu'il a fait. Il a fait du'a pour lui, Allah Azza wa Jal l'a guéri. Et Allah Azza wa Jal l'a guéri. Oui, vous les malades, ou nous les malades, revenons à Allah Azza wa Jal. Plaçons notre confiance en Allah Azza wa Jal. Endurez pour avoir ce résultat, même si on ne va pas le voir maintenant. Donc, dans tous les cas, si tu es malade, sache très bien que ta maladie, Allah Azza wa Jal est en train de te purifier de tous les péchés que tu as commis. C'est un bien pour toi. Pour ça, Allah Azza wa Jal va te sortir de ce bas monde grâce à cette maladie et tu vas aller vers Allah Azza wa Jal avec zéro péché. Sallallahu Azza wa Jal la dalik. Donc il lui dit que Allah Azza wa Jal te guérit, c'est ça ce qui s'est passé. قال فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك أو بصرك. Donc après il revient. La première des choses que le roi va remarquer, que cet aveugle proche de lui, il est en train de voir. Donc il était obligé de lui poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui t'a rendu ta vue? Faqal Rabbi al-Aqid al-An amana hadha ar-rajul. Il lui a dit mon Seigneur. Donc cette personne, khlas, il a cru en Allah Azza wa Jal. Il lui a dit mon Seigneur, regardez la foi, qu'est-ce qu'elle fait, subhanallah. Ça nous rappelle plusieurs aussi événements dans le passé avec les sorciers de Pharaon. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cru. Mais le jour où il les a menacés, ils ne sont pas apostasiés. Ils sont morts en tant que croyants. Devant ce roi, il lui a dit Rabbi. Il lui a dit Rabbuka ana. Ton Seigneur, ça veut dire moi. Il lui a dit non. Rabbi wa Rabbuka alladhi khalaqani wa khalaqak. Il lui a dit non. Mon Seigneur, c'est ton Seigneur, celui qui m'a créé, il t'a créé en même temps. Et il a créé tout le monde. Qala Rabbi. ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. Et puis il a donc c'est une personne pour lui qui s'est égaré. En réalité, celui qui est égaré dans l'histoire, c'est le roi. Il lui a fait quoi? Il l'a torturé. Il l'a torturé avec une dureté jusqu'à il n'a pas pu supporter. Après, il a montré Al-Ghulam, ce jeune homme. Il a parlé de lui. Il lui a dit, c'est cette personne qui m'a enseigné la foi, Al-Iman. قال, فَجِئَ بِالْغُلَامِ. Après, on a ramené ce jeune homme. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَيْ بُنَيِّ. Et ce roi, il lui a dit, oh mon enfant, قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصِ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ. Il lui a dit, oh mon enfant, grâce à ta sorcellerie, tu es arrivé à un stade où tu guéris une personne surmuée, un aveugle, le lépreux et d'autres. فَقَالَ لَهُ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا. Moi, je ne guéris personne. Moi, Allah Azza wa Jalla, celui qui me guérit si je vais tomber malade, même si je suis un croyant. أَنَا لَا أَشْفِي أَحَدًا. Moi, je ne guéris personne. إنما يشفي الله. Celui qui guérit, c'est Allah. Al-Aqida maintenant. On doit s'accompagner à ça. S'attacher à ça. Al-Aqida. Allah. Celui qui guérit. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. Et puis il l'a torturé. Il était incapable de supporter ce jeune homme jusqu'à il a montré ce moine. Il lui a dit que celui qui m'a appris ça, il n'a pas supporté. فَجِئَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى. On a ramené ce moine, ce croyant. Il lui a dit de sortir de ta foi, de ta religion. Qui veut dire, il a invité à s'apostasier. فَأَبَى. Il lui a dit non. فَدُعِيَ بِالْمِشَارِ فَجِئَ فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق أو مفرق رأسه فشقه به حتى waqa'a shiqqah. Et puis, il lui a dit sors de ta religion. Pour lui, il est en train de l'inviter de revenir à la raison. Mais en réalité, cette personne, il a trouvé la raison. Pourquoi ? Parce que l'aql, tu ne peux pas le gérer si tu ne vas pas le soumettre à Allah Azza wa Jal. Au livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. C'est la seule solution. Sinon, tu seras comme les personnes égarées et innovateurs. Les innovateurs, c'est qui ? C'est les personnes qui se sont soumises à leur raison, à leur aql, à leur passion, à leurs avis. Mais le jour où toi, en tant que croyant, c'est ça ce qui s'est passé avec les croyants. Ils ont soumis quoi ? Leur aql, leur raison à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça ils ont pu le gérer. Sinon, si ce n'est pas Allah Azza wa Jal, tu ne pourras jamais gérer ta propre personne ni ta raison. Pourquoi ? Parce que tu n'étais pas soumis à Allah Azza wa Jal. Et puis, il ramène une scie. Ce roi, il demande à ramener une scie. Et ses soldats, ils ont pris cette scie, ils l'ont mis sur le crâne de ce moine, ils ont commencé à le scier jusqu'à ils l'ont partagé sur deux, subhanallah, à la mort. Jusqu'à la mort. وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من كان قبلكم كان يشق أحدهم بالمنشار وفي رواية بالميشار ولا يرده عن دينه على ولا يرده عن دينه ذلك. Et c'est pour ça une fois le prophète sallam on vient vers lui, on lui dit oh Rasulallah, prie Allah azza wa jal pour nous. Le prophète il était allongé, après il s'est assis, c'est comme il s'est mis en colère. Et il leur a dit, les personnes qui étaient, c'était à Mecca à l'époque, les épreuves de Mecca, les croyants qui nous ont précédés, on les ramenait. On va les scier avec la scie sur deux, et ils ne vont pas revenir sur la religion, ils vont mourir en tant que croyants. Donc, patientez et endurez. Et c'est ça ce qui s'est passé avec ce moine. En plus de ça, on a ramené cette personne qui était proche du roi, on a fait la même chose avec lui, comme on a fait avec le moine, il est mort en tant que croyant. Et quel bonheur! Pourquoi? Ce roi, vous savez, on ne le connaît même pas. Si ce n'est pas cette histoire, on ne va même pas le citer. Le plus important dans cette histoire, c'est qui? C'est les croyants. Regardez, jusqu'à maintenant, on est en train de citer, de parler sur ces personnes. Allah Azza wa Jalla a rendu leur histoire jusqu'à la fin des temps. Éternel, si vous voulez. Jusqu'à la fin des temps, leur histoire. On parle des croyants. Ashab al-Ukhdoud, les gens de fossés, de fossés, les croyants qui nous a, on les a jetés dans le feu. Et subhanallah, jusqu'à maintenant, on est en train d'enseigner nos enfants et d'apprendre les histoires et les récits des croyants qui nous ont précédés. Sinon, ce roi, ce n'est pas ces croyants, il est dans la poubelle, entre guillemets, pardonnez-moi de cette expression, dans la poubelle de l'histoire, comme on dit. Sinon, c'est les croyants qu'ils ont rendu en valeur, ils ont mis en valeur cette histoire qui parle de ce roi. قال ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت دعاء لقاء العدو اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاذهبوا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئ فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله فقال الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. Donc ici, ce jeune homme, on a ramené chez le roi. Reviens. Sors de ta religion. Il n'a pas voulu. Il a ordonné à ses soldats de faire quoi? De le ramener dans une hauteur, une montagne, et de le jeter de là. Il arrive. Ils l'ont ramené. Et le prophète sallam dit, arrivé au sommet de la montagne, le jeune homme, il dit quoi? Oh Allah, sauve-moi. Oh Allah, sauve-moi. Nous revenons toujours à Allah Azza wa Jal. Avec des soldats armés, impuissants, mais il sait que la vraie puissance, la force, elle se trouve chez Allah Azza wa Jal. Il a dit, oh Allah, sauve-moi. Allahumma kfinihim bima shi't. Qal, oh Allah, sauve-moi. Sauve-moi de la manière que tu veux. Oh Allah, sauve-moi de la manière que tu veux. Allahumma kfinihim bima shi't. Le prophète alayhi salatu wasalam nous a enseigné ce dua. Ce dua, quand tu vas rencontrer ton ennemi, tu dis ce dua. L'ennemi, en face d'un ennemi, tu dis Allahumma kfinihim bima shi't. Oh Allah, sauve-moi de la manière que tu veux. La montagne fut alors secouée, précipitant ainsi tous les hommes dans le vide. Et puis l'adolescent quitta les lieux et chercha son chemin jusqu'à arriver chez le roi. Subhanallah. Revenu chez le roi alors qu'il était prisonnier, revenu détaché, tout seul, Allah Azza wa Jal s'est occupé de ses soldats et il les a tués, Allah Azza wa Jal, en ordonnant à la montagne de faire une secousse. Ils ont tombé dans le vide grâce à Allah Azza wa Jal. Regardez la force d'Allah Azza wa Jal. Je sais que vous savez tout ça. On sait tout ça. Mais le rappel, il est très important. On a besoin de ça. Et c'est pour ça le croyant, chaque vendredi, il fait quoi? Il se regroupe. Al-Jumu'a, ça veut dire se regrouper. Al-Jumu'a, al-Jama'a, groupe, pour se faire des rappels. On a besoin de tout ça. C'est pour ça Allah Azza wa Jal nous a obligés le vendredi. Et c'est ça ce qui se passe. Il revient. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait avec tes compagnons? Ça veut dire les soldats. Il lui a dit, Allah Azza wa Jal s'est occupé d'eux. Et puis une deuxième fois, le roi livra alors un autre groupe avec ordre d'embarquer sur un bateau. Il dit une fois au large, s'il persiste, dans sa foi, jetez-le de par-dessus bord. Arrivé au large, il dit, oh Allah, sauve-moi. Avec la manière que tu veux. Allahumma kfinihim bima shi't. Tous les hommes furent alors noyés sauf le garçon. C'est ce qu'il a fait Allah Azza wa Jalla. Il s'est occupé d'eux. Et c'est ça le croyant. La foi, elle fait des effets. Barakallahu fikum. Wallah, la foi, elle fait des effets. On revient à Allah Azza wa Jalla, levez la main. Et vous allez voir, wallah, vous allez voir des miracles. Et on va voir des merveilles. Et peut-être parmi nous, peut-être tout le monde assis ici et d'autres qui sont en train de nous écouter, ils ont eu cette expérience où Allah Azza wa Jalla a exaucé nos doigts. Et par Allah Azza wa Jalla, le jour où on revient, on cherche protection chez Allah Azza wa Jalla, vous allez voir comment. Et l'ulama, Cheikh Al-Uthaymin, ici dans son commentaire, il dit quoi? Même le kafir, même le mécréant, s'il va se diriger avec sincérité envers Allah Azza wa Jalla, il lui demande, wallah, Allah Azza wa Jalla va le sauver. Le sauver comme il a souligné Allah, comme il nous a parlé Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim, avec les personnes qui étaient en plein milieu d'océan, et après leur bateau commence à chavirer, et ils demandaient Allah Azza wa Jalla a ordonné à l'océan, il est devenu stable, il s'est calmé grâce à Allah Azza wa Jalla, et eux, parce qu'ils ont fait doua, ils étaient sincères, mais malheureusement revenus sur terre, ils ont mécru. Ah Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous préserve. Donc c'est très important, dua. Oh Allah, sauve-moi, c'est ça ce que c'est passé. Et puis, قال, Il est revenu vers le roi. Il lui a dit, si tu veux me tuer, j'ai la solution. J'ai la solution pour toi. قال له وما هو قال تجمع الناس regroupe les gens في صعيد واحد dans un seul endroit وتصلبني على جذع et tu vas faire quoi? Tu vas m'attacher dans un arbre ثم خذ سهما prends une flèche من كنانتي ثم ضع السهم et puis prends la flèche في كبد القوس dans l'arc ثم قل et puis dis بسم الله رب الغلام au nom d'Allah le seigneur de ce garçon ثم ارمني et puis lance ta flèche فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني si tu vas faire ça tu vas me tuer comme il est bête il l'a fait ce qui s'est passé après tout le monde présent ici, ils ont cru en Allah Azza wa Jal. Et il l'a fait, il l'a tué, et après, son entourage, ses ministres, ont dit au roi, ce que tu craignais est passé. Ça veut dire, tout le monde a cru en Allah Azza wa Jal. Parce que l'histoire de ce garçon s'est propagée, tout le monde savait ce qui s'est passé. C'est une personne, grâce à Allah Azza wa Jal, guérit les malades. On l'a ramené dans une montagne, dans l'océan, mais Allah Azza wa Jalla l'a sauvé. Et puis il lui a dit, si tu veux me tuer devant tout le monde, fais ça, tu vas arriver à m'atteindre, incha'Allah ta'ala. Et c'est ça ce qui est passé, il s'est tué. Et pour terminer, incha'Allah ta'ala, je n'ai pas le temps de parler de toute cette histoire, parce qu'après, je voulais vous parler sur les bienfaits de tawakkul, mais on va laisser, incha'Allah ta'ala, notre frère Kamal Abou Abdel Wahhab. Aussi son cours, il est très important. Il va s'appuyer sur la même discussion. Elle parle sur l'endurance et elle parle aussi sur le tawakkul. Ce qui s'est passé, ici, Cheikh Al-Uthaymin va faire un commentaire. Et je vais terminer de là, incha'Allah ta'ala. Vous savez, les khawarij, les personnes qui font des attentats suicides, ils vont s'appuyer sur ce hadith. Regardez ce jeune homme, il a demandé de se donner la mort. Si tu veux m'atteindre, fais ça et je vais mourir. Donc eux, ils vont s'appuyer sur ce hadith. Alors ça, c'est du mensonge, la mauvaise compréhension. Car la vraie compréhension, c'est pas ça. Une personne va mettre une ceinture ou rentrer dans un bar ou aller dans un métro ou aller dans tel endroit pour se faire exploser. C'est une personne, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il s'est donné la mort, il s'est suicidé, il va périr éternellement dans l'enfer. Il va périr éternellement dans l'enfer. Donc, arrêtez d'avoir cette idéologie. En plus de ça, ici, Cheikh, avec ça, il va nous souligner un point qui est très important. Si c'est pour la religion, tu as le droit. Si c'est pour la religion, pardon. Oui, accepte de que les gens te tuent, comme c'est le cas. Pourquoi ? Ça fait des fois, tu es tout seul, personne avec toi. Après, ils vont te dire, mécrois, tu vas faire la mécréance, sinon on va te tuer, sauf ta peau. Parce que tu sais très bien que dans ton cœur, tu es croyant. Tu as dit la mécréance avec ta langue, comme ça s'est passé avec notre compagnon, Ammar ibn Yasir, rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Mais l'ulama ici, Cheikh Al-Uthaymin, dit quoi? Mais si c'est pour la religion, non, ne fais pas ça. Parce que si maintenant il va m'écrire, il va faire la mécréance. Tout le monde va suivre derrière. D'accord? C'est le cas de l'imam Ahmed. Tout le monde attendait la fatwa de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Pour dire que le Coran, c'est une créature. S'il l'a dit, ça y est. Mais il a enduré, il a patienté. Il a patienté, on l'a humilié. On a mis sur une monture, al-baghla. Et puis on l'a caillassé. Et on le frappait jusqu'à il va tomber dans les pommes, il va s'évanouir, rahimahullah ta'ala. Mais il a patienté, dès qu'il se réveille, il dit Al-Qur'an ou kalamullah, Allahu Akbar. Dès qu'il va se réveiller, il va dire Al-Qur'an, c'est la parole d'Allah. Il a enduré Allah Azza wa Jal, on a vu le résultat après. Imaginez-vous que l'imam Ahmed, il a fait cette fatwa. Combien de personnes vont s'égarer après lui? Et c'est pour ça qu'il y a des moments, accepte, mais il y a des moments, non, accepte pas. Quand tu es tout seul, hein, on va te pousser. à dire que je suis un associateur, qu'Allah nous préserve, par exemple. Bien sûr, la meilleure des façons de patienter. Si tu n'es pas capable, dis-le, mais tu sais très bien que dans ton cœur, il est apaisé avec la foi. Mais quand ça concerne la religion, non. Quand ça concerne la religion, tu dois patienter, tu dois faire face comme ce jeune homme. Et c'est pour ça le résultat après. Des milliers de personnes, ils sont rentrés dans la religion. Ils sont devenus des musulmans, ils se sont soumis à Allah Azza wa Jal. Ce qui s'est passé après, on les a tués. N'est-ce pas? Est-ce que ils ont gagné ou non? Oui, ils sont morts en tant que croyants. Ils ont gagné. Ils sont morts. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il a creusé les fossés, hein, ils se poussaient pour rentrer eux-mêmes dans les fossés, subhanallah. Eux-mêmes. On poussait pour rentrer dans le fossé. À un moment donné, une femme avec son bébé, parce qu'on tuait tout le monde, une femme, une mère avec son bébé, elle a hésité. Allah Azza wa Jal, grâce à Allah Azza wa Jal, il a parlé. Il lui a dit, oh maman, patiente et rentre. C'est ça ce qu'elle a fait. C'est ça parmi les merveilles d'Allah Azza wa Jal, a fait parler des nourrissons, comme c'est le cas de Isa alayhi salam, comme c'est le cas de l'histoire qu'il va vous rapporter tout à l'heure, mon frère Kamal, sallallahu alayhi wa jalla, an yafu anni wa ankum, fama kana min khata'in fa minni wa min ash-shaytan, wallahu bari'un min hadha kullihi, sallallahu alayhi wa jalla, an yaghfira li wa lakum wa yarhamani wa iyyakum, allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah, wallahu ta'ala a'lam, wa salli allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad.